De Radio Guimauzo, comment vas-tu en ce lundi 15 février? Je suis Lia et je suis en direct avec toi dans cette émission L'Odeur du Son jusqu'à 13h. Et tu commences un petit peu à connaître le principe, je crois, dans cette émission. Eh bien, je te ferai le relais de quelques infos locales. Tu entendras John dans sa chronique éducataire. Je te sortirai mes disques chouchous. Et bien sûr, l'essentiel, j'accueille maintenant l'artiste, rappeur, beatmaker, Procé qui est avec moi en studio. Bonjour Procé, comment ça va? Bonjour, ça va, ça va. Ouais? T'es en forme? Ouais, à peu près. Alors, t'es un habitué des studios, tu étais déjà venu, tu faisais même une émission il y a quelques temps, tu me disais ça juste avant. Ici, ouais, bah avec c'est Big V qui m'avait invité il y a 2 ans. Ouais. Et puis, ouais, en 2000, on avait une petite émission RAP avec des potes toutes les 2 semaines, le samedi soir. Du coup, ça va, là, ça se passe bien. Merci beaucoup d'être avec moi en tout cas aujourd'hui dans cette émission. On va parler ensemble de ton nouvel album, Croisons les doigts. Cet album, il est dispo en physique mais aussi en numérique sur Bandcamp. Ouais. Ouais, c'est ça. On le trouve ailleurs. C'est déjà pas mal. Non, c'est là. Ok. Si, ben on écoute sur toutes les plateformes, puis YouTube. Ok. Tu vas nous raconter l'histoire de cet album si tu le veux bien juste après, mais en même temps si t'es pas d'accord c'est un peu dommage que t'es un peu venu là pour ça. Après on peut parler d'autres choses, mais bon je pense pas que ce soit le... hein. Mais avant tout, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, Procé, qui es-tu? Ah, tu peux dire ce que tu veux. Niveau personnel. Ouais, vas-y, présente-toi. Qu'est-ce que tu dirais de toi en quelques mots? Invisible. Ah bon? Non, ça va, je te vois là. Qui es-tu? Tu viens d'où? Un peu partout. D'accord. T'as quel âge? Comme je dis dans l'album, je suis né en région parisienne. Ouais. Ma famille, elle est du Val d'Ajol à la base. D'accord. Après, mes parents sont partis là-bas pour travailler à Paris, donc je suis né là-bas. Après, ils ont divorcé, je suis parti avec ma mère dans le sud. Ouais, ah oui. À Fos-sur-Mer, donc puis après, je suis remonté dans les Vosges. Bah, donc, t'as fait le tour du territoire, quoi. Presque. Alors, pourquoi ce nom d'artiste, Procé? Bah, c'est un peu, c'est un espèce de besoin de justice, on va dire, sur la vie. Et donc, un procès. Ok. Un besoin de, ouais, de justice, de petite vengeance. Du coup, c'est le procès à chaque fois. Ouais. C'est pas mal. Je propose qu'on plante le décor pour nos auditeurs en musique avec un premier son sorti de cet album Croisons les doigts. Il se nomme Quand viendra l'ennemi, c'est toi qui l'as choisi. Tu nous diras pourquoi tu as choisi ce titre et quelle est son histoire juste après. Ok. Ok. Quand viendra l'ennemi, procès sur Radio Guimauzo, bah c'est maintenant. Tu connais la musique et tu sais compter. Tu sais compter au moins jusqu'à 2. Ça t'étonne peut-être. Ouais. Tout part sur le clic, le boom bap c'est le kick. Le court pas sur le beat, le bon rap c'est le kiff. Le coup parfait le hit, repousse voir tes limites. Faudra me passer le pic, quand viendra l'ennemi. Tout part sur le clic, le boom bap c'est le kick. Le court pas sur le beat, le bon rap c'est le kiff. Le coup parfait le hit, repousse voir tes limites. Faudra me passer le pic, quand viendra l'ennemi. Quand viendra l'ennemi, je serai là avec mes cartouches d'encre. Stylo Pushka, non gars, rien à foutre de tes ventes ou de tes vues. L'ami t'a vu, la rime qui tue, ne la cherche plus. T'as le cerveau qui fume, le style qui pue, de la piste de flûte et le niveau d'un gros nigo. T'as écouté ce putain de c'est pro et t'as acheté ton micro. Y'a pas photo, pas de compétition, pas de litige. Tu rappes depuis lundi, je gratte depuis 20 piges. C'est pas qu'un ego trip, en toute modestie. Ça fait longtemps qu'on trime, t'as pas toute ton estime. Si c'est pour l'effet de mon tout fertile, t'as rien compris. On s'inspire de la rage ou de la tristesse qui nous opprime. J'articule pour être entendu, y'a que les mots que je manipule. Mais passer inaperçu, t'inquiète, j'ai l'habitude. J'écris ça me soulage comme un orage en pleine canicule. Devant toi trop de pensées, trop de pages, il faut que tu capitules. Tout part sur le clic, le boom bap c'est le kick. Ne cours pas sur le beat, le bon rap c'est le kiff. Le coup parfait le hit, repousse voir tes limites. Faudra me passer le pic, quand viendra ennemi. Tout part sur le clic, le boom bap c'est le kick. Ne cours pas sur le beat, le bon rap c'est le kiff. Le coup parfait le hit, repousse voir tes limites. Faudra me passer le pic, quand viendra l'ennemi. Je vois la bêtise qui bat son plein, si si. J'entends des MC qui ne racontent rien, aussi. Avec certains, je suis pas copain, l'ami. Faudrait que je te le dise, je suis pas ton chien. Ah oui, tu veux des prods gratuites, ça me fait rigoler. Moi enregistrer, mixer des titres, arrête de picoler. Tu risques d'être déçu, mais je peux pas te pistonner. Tu veux pas te faire de sous là-dessus, arrête de m'étonner. Un petit conseil, avec moi ne fais pas la star. Ou je pense à toi en prenant le mic avec des sarcasmes. Dis-moi plutôt bye bye et fais ton pactage. Remballe tes likes, tes clics, tes claques et puis tes bas de phase. Ne reste pas trop dans le coin ou ça pètera. Rien à foutre si t'es dans le pétrin. MC, rien à battre, qui fait le pitre. C'est pas pour toi, mais le rap, c'est ma poutre. Pas d'arrangement. Pas d'arrangement. Pas d'arrangement. Pas d'arrangement. Part sur le clic, le boom bap c'est le kick. Le cours pas sur le beat, le bon rap c'est le kiff. Le coup parfait le hit, repousse voir tes limites. Faudra me passer le pic, quand viendra l'ennemi. Tout part sur le clic, le boom bap c'est le kick. Le cours pas sur le beat, le bon rap c'est le kiff. Le coup parfait le hit, repousse voir tes limites. Faudra me passer le pic, quand viendra l'ennemi. Même si t'es pourri, t'as tendu ton roulis. Même s'ils t'applaudissent, tu ne t'es pas foulé. Tu connais tout le monde en coulisses, tranquille comme un touriste. Y'a quoi se taper des fous rires, mais en fait c'est tout triste. Quand je vois les vrais qui triment mais n'y arriveront jamais. T'as pas de flow, pas de rime, mais t'es en train de te gaver. Nous gazer avec ton phrasé, nasé, t'es déphasé. Produit dans les naseaux, arrête de planer. Allez, j'suis pas jaloux, mais c'est pas ma cam. J'veux de l'original, du pur sang et t'as pas la flamme. Aucun frisson quand j'entends tes débuts. Où est ton vécu? Pourquoi tu veux militer? À part faire bouger des hucs, j'ai pas capté le délire. Ton pacte avec Belzébuth, un truc indélébile. Fais gaffe, ouais, un jour tu te sentiras coupable. Là je vois que t'es tout pâle, tout part, écoute ça. Tout part sur le clic, le boom bap c'est le kick. Ne cours pas sur le beat, le bon rap c'est le kiff. Le coup parfait le hit, repousse voir tes limites. Faudra me passer le pic, quand viendra l'ennemi. Tout part sur le clic, le boom bap c'est le kick. Ne cours pas sur le beat, le bon rap c'est le kiff. Le coup parfait le hit, repousse voir tes limites. Faudra me passer le pic, quand viendra l'ennemi. Pas d'arrangement. Pas d'arrangement. Pas d'arrangement. Pas d'arrangement. Pas d'arrangement. Pas d'arrangement. Pas d'arrangement. Pas d'arrangement. Fais des conneries, tu dis des conneries, tu me casses les couilles et t'étais prévenu. Quand viendra l'ennemi, procès sur Radio Guémozo, procès qui est mon invité aujourd'hui. Merci beaucoup à toi encore d'être ici avec moi. Avant qu'on se lance dans le vif du sujet, je te balance auditeur une première petite info là comme ça. Hop, il s'agit d'une expo photo du 15 février au 11 juin. C'est le département des Vosges qui présente l'exposition photographique Jacques Dalle au 8 rue de la préfecture Épinal du lundi au vendredi de 9h à midi et de 14h à 16h30. Jacques Dalle exposera ses œuvres dans le hall de l'hôtel du département. Une belle occasion de découvrir ou de redécouvrir l'artiste vosgien qui travaille essentiellement la photo en noir et blanc, conférant à ses images une certaine intemporalité, montrer ce qui ne se voit pas forcément, l'émotion d'un instant, la fugacité d'une situation, réfléchir à, dans cette vie qui va trop vite, Jacques Dalle nous amène à prendre le temps de regarder, de penser, histoire de faire passer le message. Ces photographies sont d'ailleurs toujours accompagnées d'un texte court. Voilà, auditeur, tu peux aller te divertir en allant regarder cette belle expo. Ça a l'air sympa. Est-ce que t'aimes la photo, toi, Procès? Bah oui, tout ce qui est beau. C'est subjectif, la beauté, après. Hein. D'ailleurs, en parlant d'image, qui s'est occupé de la pochette? Moi qui l'ai faite. Alors, c'est toi, là, sur la pochette? Oui. Ouais. Ok. D'accord. Et t'as fait ça comment, du coup? T'as pris un logiciel, un... Photoshop. Standard, quoi. Ouais. Ok. On vient d'écouter ensemble Quand viendra l'ennemi. Pourquoi tu as choisi ce titre-là et quelle est son histoire? Parce que c'est un des que je préfère de l'album. Ouais. Big V aussi, il aime bien. Big Up. Ok. Puis ouais, la mélodie, le sample est assez original. Ouais. Et puis bon, après le thème, ça parle du rap d'aujourd'hui. C'est un peu. Ce que t'en penses? Il y a les passionnés, puis il y a ceux qui. Enfin, je parle un peu plein de trucs en fait dans le rap. Faut dire que j'ai une vision un peu spéciale. Explique-nous. Pas un combat, mais c'est un peu un combat. De rapper, tu veux dire? La vision que j'ai, en fait. Puis aujourd'hui, il y a tous ceux qui veulent être dans la tendance, faire des vues, faire le buzz, quoi. Alors, sans forcément avoir une vraie passion pour ça. Ou... Mmh. Ouais, tous ceux qui vont tendre leurs fesses, comme je dis. Après, c'est un mix de plein de trucs, c'est un peu un bordel. C'est un beau bordel. Quand on écrit, on part un peu dans tous les sens, des fois. Ouais. C'est comment, toi, que t'écris, d'ailleurs? T'as toujours un petit cahier sur toi? Moi, je vois toujours les artistes comme ça, tu sais, avec un petit cahier dans leur poche. Sur une feuille. Le téléphone. Feuille A4, non. Ah non. Le téléphone, j'arrive pas. sur un clavier, Ça va pas assez vite. C'est pas pareil. Ouais. Je suis plus inspiré par un stylo, une feuille. Et t'écris au fur et à mesure, t'écris tout d'un coup, ou alors t'écris des phrases comme ça vient, puis après tu les... Je trouve la première phrase, la première rime, en fait, les deux premières mesures, et puis après, si ça commence bien, je continue. Tu pars déjà avec, un thème bien en tête, tu dis, ouais, là, je vais écrire sur ça, ou alors vraiment tu... Ouais, faut trouver un thème, c'est la base, quoi. Ouais. Ok. Ça, au début, quand je m'entraînais, quoi, au début que j'ai commencé, même des fois je m'entraînais à faire des rimes, même si ça voulait rien dire. C'était juste pour un entraînement, en fait. Mais au début, quand on essayait d'écrire avec parce que j'ai commencé avec un pote, c'était dur de rester sur le thème pendant tout un couplet. Et souvent, ça, au bout de la moitié, ça partait sur un autre sujet. Je dis, merde, ça va plus là. On s'égare. Et c'est ça qui est dur. Et aujourd'hui, j'arrive à rester sur le thème. Ouais, ça doit être compliqué quand même. Au début, ouais, c'est pas facile. Faudrait faire un rap, tu sais, où en fait toutes les phrases n'ont aucun rapport. Ouais. Ce serait génial. Il y en a plein. C'est vrai? Il y en a plein en ce moment. ouais, c'est vrai. Mais un truc bien, tu vois, mais genre sans thème, tu vois. Je sais pas. Peut-être c'est pas. Il y a Délire en vrac de Faflarage. Ouais. C'est un titre. Délire en vrac où il part un peu dans tous les sens. D'accord. J'écouterai ça. Mais ça reste sensé, quoi. Ouais. Oui, bien sûr. Il dit tout ce qui lui passe par la tête, un peu. C'est génial. Est-ce que t'as l'impression, toi, que c'est un exutoire quand t'écris? Tu sais, ça te libère d'un truc. Oui, c'est ça, c'est un besoin. Ouais. Mais de s'exprimer, on est libre, on n'a pas censuré, même si on s'auto-censure des fois. C'est vrai? Il y a des choses que t'as envie d'écrire que tu t'autorises pas à faire? Non, mais comme des injures ou des trucs qu'on sait que ça peut choquer. Après, on sait qu'il y a des gens qui vont peut-être écouter, donc il faut faire quand même attention. Ouais. Ce qu'on dit aussi au message, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Cet album, Croisons les doigts, c'est ton deuxième album officiel, on dit. Ouais. Parce que t'as fait d'autres trucs à côté. Ouais, mais... j'en ai fait deux autres solos avant, mais en gravé maison, quoi. Pas pressé, pas mixé, pas. Ok. Il est sorti quand, celui-là? L'année dernière, cette année? Ouais, 2020, ouais, en octobre. 2020. Ok. Et pourquoi t'as choisi ce nom d'album? Bah, c'est un jeu de mots, comme on voit sur la pochette. Ouais. Donc, plusieurs façons de croiser les doigts. par rapport à l'époque, c'est l'espoir. Croiser les doigts, c'est pour conjurer le mauvais sort. Et puis, pour avoir l'espoir. Et puis, voilà, par rapport à l'époque, on sait pas où on va. C'est de plus en plus le bordel. Il y a de plus en plus de problèmes dans tous les domaines. Et voilà, croisons les doigts, puisque, comme je dis, il y a presque plus que ça à faire, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Donc, du coup, il y a 12 titres sur cet album. Il y a des feats qui sont présents. T'as fait des feats avec, Big V, justement, Drex. Ouais. Ouais, le fond du crew. Le fond du crew. Et puis, Newman de Doll, un MC aussi. Ouais. Beatmaker. Et puis, il y a DJ Syfe qui fait les scratchs sur 5 titres. Ouais. C'est lui qui scratchait sur le... Tous les scratchs de l'album. C'est génial. Ouais, c'est lui, là. qui est de Saint-Etienne, DJ Syfe. Ah ouais. Et on va le faire venir. Puis il y a un pote de Remiremont qui m'a fait quelques notes de guitare sur certains titres et puis trois notes de violon aussi. Ok. Et pourquoi t'as eu envie de collaborer avec le fond du crew, par exemple? Ben, parce que je les connais depuis 2-3 ans. Puis voilà. Vous faites souvent des trucs ensemble? Non. Ben, je suis apparu là sur leur compil là qu'ils ont sorti. Ouais. Mais sinon, non, c'était les deux premiers trucs, je crois. Ok. Du coup, il est né comment, cet album? Voilà, à quel moment tu t'es dit, tiens, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de refaire un album? Il y a 2-3 ans, je pense. Mm-hmm. Et ça fait 2-3 ans que tu bosses dessus? Ouais, j'ai dû mettre 2-3 ans, ouais. Oh la vache. Entre l'écriture... Ouais, le mix, parce que je fais le mix aussi de l'album. La pochette, chercher les samples... Ah, c'est du boulot. Faire les instrus, les textes, enregistrer, nettoyer les pistes, exporter les pistes de la boîte à rythme, enfin de la MPC. Un sacré matos, non, pour faire ça tout seul. Ouais. Mais encore, je suis en numérique, donc c'est plus des plugins en général. Ok. J'ai pas besoin d'avoir toutes les machines comme à l'époque. Il fallait chaque rack, compresseur, le machin. Ok. Ça prend moins de place. Je comprends bien. Comment ça se passe quand t'écris? Tu t'inspires de quoi? Les sujets d'actu? J'ai eu l'impression un peu ce qui se passe. Ouais. Je parle beaucoup de moi aussi, mais j'ai essayé un peu de m'ouvrir un peu plus. Enfin, même si bon, c'est pas. T'as l'air vachement introverti. Ça doit pas être facile. Ouais. Je sais pas si j'ai vraiment réussi à m'ouvrir plus que sur l'album d'avant, mais. Ouais. Ouais, j'essaie de calculer les thèmes, de pas parler tout le temps de moi, ou enfin de varier un peu. Mmh. Donc il y a un titre sur le racisme, bien sûr, avec Noumen, Allergie. Ok. Après il y a Croisons les doigts qu'on va passer après, où c'est un peu justement où je parle dans tout ce qui m'est passé par la tête sur la situation dans le monde et, ouais. Et tout ça. Est-ce que tu t'écris d'abord et après tu trouves la prod, le son qui va aller derrière, ou est-ce que c'est le contraire? C'est l'instru d'abord. Ouais. Ensuite, trouver le thème, parce que l'instru m'inspire comme thème, et une fois que j'ai le thème, j'écris. Ok. Ça, c'est vraiment propre à chacun, c'est... Moi, en général, c'est comme ça, je pense, la plupart. Hein. Ouais. Après, il y en a, oui, qui écrivent un texte sur une instru, après, ils changent d'instru, parce qu'ils trouvent mieux, ou enfin... Et c'est toi qui as fait les instrus, là, aussi? Ouais, oui, toutes les instrus. Eh ben, dis donc. Comment tu définirais ton style si tu pouvais le faire, si t'avais envie de le faire d'ailleurs, parce que je sais qu'on n'aime pas trop se faire caser, mais... Bah, un peu des années 90, quoi, rap. Puis j'étais influencé par IAM, comme j'habitais dans le sud, c'était IAM que j'écoutais beaucoup. Ouais. Après, tout le bon rap français de l'époque aussi. Mais ça s'entend vachement, t'as un petit accent, tu sais, quand tu rappes. J'ai encore un peu, mais j'ai bien perdu, quoi. C'est vrai? Je me suis dit, ah, il a dû habiter au soleil. Ça s'entendait un petit peu. Bon, allez, c'est le moment où je te sors mon premier disque chouchou. J'espère que tu vas aimer, Procès. J'ai choisi Meditation de Leaf Dog. Est-ce que t'aimes ? Ah bah ouais, lui je l'ai découvert il y a pas longtemps, il y a 2-3 ans, et il m'a fait scotcher. Ouais. Du coup, j'ai acheté quasiment tous ses albums en CD. Leaf Dog, ouais, c'est super bien. C'est le meilleur anglais pour moi. Ouais. En plus, il fait des prods et tout. Il me donne la patate quand je l'écoute, sa voix, c'est... Bah voilà. Top. Allez, on se met la patate ensemble, on écoute Meditation, et on se retrouve juste après. Yeah. Who's quicker for the draw? Oh, we gonna tell him, son. How the fuck's it gonna be? Hey, yeah, hey, yeah. Stay focused like the sight through a sniper scope. Coming through your throat, assassins hidden in the moat. Underneath the king's boat, so we're set in stone. Like tales of gladiators from ancient Rome. I'm summoned to carry on like eternal life. What I don't live to see, my words will through this mic. I'm the type that write bars when I sleep at night. Get samples like an archaeologist on the dude side. If this kid's back, then me and my fam are all whack. But that's as likely as my dead friends coming back. Reenact war scenes of a great conqueror. When I speak bars to inspire like a philosopher. Been talking, yeah, but the truth you're excusing. And well calculated like the change of evolution. There's no retribution when the last drink serves. So until it's time to strike, we wait and observe. Yeah. Clear your mind always, analyze the situation. Prepare for meditation. Grab your herb sacks, deal with facts and dedication. Prepare for meditation. Clear your mind always, analyze the situation. Prepare for meditation. Grab your herb sacks, deal with facts and dedication. Prepare for meditation. Take 10 steps and draw and then the ratchet out. On the warpath since season of the assassin out. Either sipping on some goose or a massive stout. It's no fair, man, car, knock a faggot out. Vinny ready for a war with no provocation. Y'all a bitch, y'all never fight a sovereign nation. I ain't a rapper, shooting guns is my occupation. The 4/5 is ridiculous and it'll rock your face in. Y'all know that Paz is a beast. And I don't give a fuck, Vinny blast the police. Give me the stash of the leaf. Y'all will be the same motherfuckers getting mashed over beef. The fucking gutter is my home. I'ma cut the motherfucking head of whoever on the throne. The box cutter to your dome. This is Vinny Paz and the wrath of the brothers of the stone. Yeah. Clear your mind always, analyze the situation. Prepare for meditation. Grab your herb sacks, deal with facts and dedication. Prepare for meditation. Clear your mind always, analyze the situation. Prepare for meditation. Grab your herb sacks, deal with facts and dedication. Prepare for meditation. The calculator. Sat back studying mistakes and your breaks. I can wait till I never stay ya. Fuck up, this is an act of nature. So you can show me the respect that you give to your creators in the battle. We'll take the high ground. Knowing that I meditate daily, burn a soogie, then I lie down. My head's out, walking the sky's town. I use patience with an acquaintance or two and bring a tight sound. Wrapping round your windpipe now, take your confidence. We take compliments, bring it back like it's reconnaissance. Think you're a player, but you're on the bench. You speak the nonsense. See you acting day like to Judy Dench, the entrance of the calm ones with napalm bombs just dropping out the mouth, making dark songs. Heads ain't keeping their parts strong. We sit back, calculate, meditate, then we march on. Clear your mind always, analyze the situation. Prepare for meditation. Grab your herb sacks, deal with facts and dedication. Prepare for meditation. Clear your mind always, analyze the situation. Prepare for meditation. Grab your herb sacks, deal with facts and dedication. Prepare for meditation. Pazienza. Louis Dogs, Osama Bin Laden. With the brothers of the stone. Philly to UK, brother. Vinny Appice. Ill and full. My brother Leaf. BVA. All day official pistol gang. Brothers of the stone. Rock! Tu C'était bien, ça. On a kiffé, ça nous a mis la patate. Est-ce que ça t'a mis la patate? Ouais, ça réveille. Tant mieux. C'est le moment. J'espère que tu es bien installé, procès, parce que c'est le moment. Ne t'inquiète pas. Elle bouge un peu la chaise. Elle bouge un peu la chaise. Mince, on va te changer de chaise. C'est le moment détente conscience avec John qui nous parle d'écologie dans sa chronique éducateur. On l'écoute tout de suite et puis on se retrouve juste après. L'éducateur, la chronique qui fait du bien à la planète sur Radio Guémozo. Bonjour amis de la nature, Johnny, l'éducateur vous parle. Je suis animateur indépendant en éducation à l'environnement vers un développement durable. Plus simplement, formateur des apprentissages de la nature, en nature, par la nature et en toute saison. Les principes de l'éducation à l'environnement vers un développement durable et les pratiques d'éducation populaire sont liés. Ils s'appliquent à proposer une alternance des approches pédagogiques lors des animations dispensées. Le mois passé, j'encourageais à l'observation par le moyen de la vue des merveilles de notre nature environnante, de notre beau département des Vosges. Une approche visuelle et contemplatrice des éléments constituant la faune et la flore. Cette biodiversité, vivante même en hiver, est active sur les chemins et au fond des forêts. En ce mois de février, mon approche est encore sensorielle, par l'écoute attentive des sons furtifs et intrigants de l'environnement, du chant mélodieux des oiseaux jusqu'au bruyant débit de nos rivières en crue. Il offre une gamme musicale venue de la nuit des temps, la marche en avant permanente des saisons. Nous entraîne inlassablement vers un début du printemps, et cela s'entend. Aujourd'hui, j'ajoute l'approche créative et poétique à celle auditive, de par le récit d'une histoire réelle et symphonique de nos vallées. Je l'ai intitulé « La gamme de la nature en hiver ». Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. La partition commence d'un silence hivernal, encore en doux, en dormance, jusqu'au long solo d'une rivière en flot d'eau. Les notes d'un printemps, presque là, mais en accord, un éveil partiel et timide de la nature. Les fleurs des perce-neige, aussi blanches que son homologue givré, Ré, ont déjà pointé le bout de leur nez. Mi, milieu endolori par les bourrasques atmosphériques venues du nord et de l'est. Mi, minute d'arrêt pour le cycle de la vie. Le sous-sol, sol, se prépare à sa façon. Et à sa phase de réveil. Les si, signe d'un retour des beaux jours, sonne pourtant aux portes de la saison froide. Les nuées d'oiseaux hivernants projettent un do, un beau dolby de leur chant en retrouvant les timides raies, rayons du soleil. Les si, sifflet des mésanges et autres passereaux sur les mangeoires, ou en forêt, ils prennent le « là » et l'amont de la régénération de la sève du bouleau sur l'entre-ligne de la future saison. L'arrêt, la région Lorraine, dans son ensemble, aime à prolonger les frimas, mais le temps du printemps est venu, et sans contre-temps, commence son morceau en « la mineur ». La clé du sol, elle, fait frissonner les premiers chatons du noisetier et sonne bientôt le glas de la sérénade hivernale. Le retour tant attendu de la mi-saison donne une mélodie d'espoir et font écho au premier redoux. D'ici au prochain équinoxe, la nature chantera sa chanson avec la chorale solidaire des écosystèmes. Ils feront entendre, alors, une bande sonore printanière. Par ce texte empreint de poésie, l'approche créative vient soutenir l'approche auditive, réelle des milieux. Sur le thème du cycle des saisons, ou sur certaines connaissances naturalistes que compose ce texte. L'activité de faire écrire son propre texte, poème ou autre slam à un groupe, peut encourager à la découverte de la poésie, et ouvre la voie de la création. Et sans s'en être rendu compte, l'apprenant aura également révisé son vocabulaire, son orthographe, conforté ses connaissances en SVT et s'être initié aux termes techniques de la musique. L'interdisciplinarité est également prise en compte dans les pratiques des animateurs à l'environnement, parce qu'une vision globale de l'apprentissage est importante. La transmission des connaissances mérite d'être réalisée de différentes manières, et les futures chroniques de l'éducateur aborderont d'autres façons d'apprendre à découvrir les mystères qui nous entourent. Pour finir, je vous partage cette citation sans doute à méditer. Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Proverbe africain. Merci de votre écoute, amis de la nature. À bientôt sur les ondes vibrantes de Radio Gemozo. Merci Johnny. Je remercie tous mes chroniqueurs, hein, ceux qui se mobilisent pour participer à mes émissions. Je vous fais des gros bisous. Procé, j'avais envie de te demander si t'étais sensible à la cause de la planète, mais du coup, ben oui, parce que tu nous parlais, voilà, de ce titre allergique que tu as fait. Non, c'est pas ça? Non, ça parle du racisme aussi. Ah mince, mais qu'est-ce que je raconte? Non, c'est dans Croisons les doigts. Ah, dans Croisons les doigts. Tu vas passer. Ok, ça marche. Et du coup, t'en penses quoi de tout ça, de l'écologie? Enfin, comme je t'ai dit, moi j'ai habité à Fos, c'est pollué à fond, super pollué, j'ai grandi là-dedans, donc moi la pollution, voilà, je sais ce que c'est, et voilà, c'est pas... Qu'est-ce qu'on devrait faire pour aider notre planète? Bah déjà, le problème c'est que je pense là, qu'on est de plus en plus nombreux sur Terre et que ça peut créer que des problèmes en plus. C'est vrai. Donc c'est mal barré, moi je pense... À moins que voilà, il y a la théorie, enfin, de l'effondrement. Est-ce qu'il y a, voilà, on sera obligé de retourner tôt ou tard quand il y aura plus d'énergie ou plus de pétrole. Ah oui. Ça va tout chambouler et on va retourner en arrière, quoi. À bicyclette. On n'aura pas le choix, mais peut-être qu'il faudrait anticiper, quoi. Peut-être. Parce que À force de pousser le bouchon trop loin, de toute façon. Ah, puis on réchauffe là aussi la planète en même temps. Oui, c'est ce que tu nous disais. Il fait de plus en plus chaud dans certains endroits. On va avoir des hivers beaucoup plus rudes à certains d'autres moments. Peut-être plus de tu sais d'intersaison, automne, printemps, tout ça, ça n'existera plus. Bah, hein. Il n'y en a plus beaucoup des semaines déjà ici. C'est vrai. Il neige plus beaucoup. Bah, là, ça va cette année. Cette année, ouais. C'était pas pour nous ravir, mais il y a neigé en tout cas. Du coup, bah ça t'arrive d'en parler dans tes textes de l'écologie. Est-ce que souvent ça t'arrive ou... Moi, j'ai fait un titre sur un vieil album. Gravé de l'époque. Mais non, c'est pas ton après on, voilà, je vais pas en parler sur plusieurs titres. Chacun ses thèmes, quoi. Rabâché, pas trop rabâché, quoi. Enfin, après c'est délicat de parler des trucs, voilà, tout le monde en parle, tout le monde. C'est vrai. Faut vraiment avoir un vrai truc à dire dessus ou un truc un peu original. Ou... Oui, c'est vrai, pour se détacher, pour se démarquer. Je vais te poser une question compliquée, parce que, à mon avis, ça va te sembler compliqué, cette question. T'as le temps de réfléchir, y a pas de souci. Quand est-ce qu'un jour tu es devenu Procé? Quand est-ce qu'un jour, voilà, toi, cet individu que j'ai en face de moi est devenu cet artiste? Que j'ai commencé ou que j'ai choisi le nom? Les deux. Bah, quand est-ce qu'un jour tu t'es nommé Procé? Ah, 99. Ouais. Je vais commencer en 97, et puis après, bah quand on avait le groupe avec les potes, quand on avait l'émission en 2000, j'ai connu l'année d'avant, 99, avec un pote de ma classe qui rappait aussi. Et puis, parce que je me suis retrouvé seul, j'avais commencé avec un ami en 97. Et puis après, il est parti sur Paris travailler, donc. D'accord. Je me suis retrouvé seul, et puis j'ai commencé à faire des instrus, pareil, en 99. Et j'ai rencontré celui de ma classe. Puis ça a duré 6 mois, on avait un groupe et j'ai choisi un nouveau nom en fait. Donc je me rappelle en cours, je notais plein de noms sur une feuille, j'ai galéré à... Puis j'ai trouvé celui-là. C'est vrai que c'est pas facile de trouver un nom, hein. Non. Faut être inspiré, faut trouver puis le bon truc. Puis prendre la tête pour trouver un truc original et puis à 20 ans plus tard, on voit que sur internet, il y a plein de procès en fait. C'est pas vrai. Mais sauf qu'ils ont pas mis le point à la fin. Ah bah voilà. Ça se joue à un point après. Il y en a plein, ouais, comme Drex, il est pareil. Oui. Il y en a plein qui s'appellent Drex. Enfin, ouais. C'est dur de trouver un nom. Je suis sûre qu'il y a qu'un seul Big V. Il y a qu'un seul Big V, je suis sûr. Pas sûr. Quand est-ce que t'es tombé dans le grand bain de la musique? Est-ce que t'as toujours aimé écouter de la musique? Est-ce que, je sais pas, dans ta famille, il y avait des musiciens? Non, juste mon grand-père qui chantait. Il chantait. Ouais. Dans les maisons de retraite, un peu dans les, enfin, dès qu'il y avait un repas de famille, il chantait, même. Trop bien. Dans les églises, enfin, il chantait, il avait une belle voix. D'accord. C'était un peu tineur aussi. Waouh. Ah ouais. C'était un fan. Excellent. Et puis, non, sinon, ouais, j'écoutais les cassettes que mes parents écoutaient dans la voiture. Mais oui, ça m'a souvent, enfin, ça m'a marqué la musique assez jeune. Du coup, tes débuts, tu le disais, ça s'était fait avec des amis. Est-ce que ton style a changé depuis le début que t'as commencé? Ou est-ce que t'es vraiment pas resté trop, toujours... Non, toujours au boom bap, années 90. C'était quoi les artistes qui t'inspiraient le plus quand t'étais jeune? Tu me disais IAM, ouais. Ouais, après... Wu-Tang, Cypress Hill, qu'est-ce qu'il y a? Après, rap, Fab, en France... Funky Family. Ah ouais, ça c'était génial. Il y en a plein. Rocka, Psycho Realm. Ouais, moitié rap français, moitié rap américain. Pas mal. On en parlait tout à l'heure, il y a des feats sur ton album. J'imagine que toi aussi, du coup, t'as déjà collaboré à quelques reprises avec d'autres artistes. Ouais, sur l'album de Noumen aussi, qui est sorti quasiment un mois avant le mien ou deux mois avant. Ok. J'ai fait un titre aussi, sur la compile là des de la MC du coup MC Connection, sur l'album de sur d'autres aussi, mais pas énormément. D'accord. Mais par contre, oui, j'ai invité pas mal de personnes. J'avais fait une compilation en 2015, Longitude 6, où j'avais invité plein de rappeurs de l'Est. Ouais. Donc on est 9 artistes, je crois. Ah oui. C'est chouette, ça. Et puis, en 2016, je crois, j'avais fait un petit collectif. Je viens témoigner où on est 11. Cool. C'est un titre qui dure 10 minutes. Ah ouais. Bien. Et du coup, vous parliez de quoi? Je viens témoigner. C'était, témoigner de notre époque, en fait. Ça doit être génial, ça. Faut retrouver ça. Il est sur YouTube. On va se pencher sur le sujet. Tu vas peut-être venir en rotation dans notre diffuseur. C'est jamais. On va s'écouter un nouveau titre sorti de ton album Croisons les doigts qui porte le même nom et du coup qui parle d'écologie. Cette fois, j'y suis. En partie, ça parle de tout ce qui m'est passé par la tête. Tous les petits problèmes du monde. Ok. C'est par celui-là que t'as commencé... c'est le premier titre que t'as eu dans ton album. Pourquoi il s'appelle pareil, du coup? Parce que c'est là. Pour une fois, je me suis dit, j'aimerais bien faire un titre qui est le même titre que l'album. J'avais surtout envie de faire un titre où je parlais de tous les problèmes du monde, enfin pas tous les problèmes, mais tout ce qui se passait en ce moment, tout ce qui me passait par la tête là-dessus. Et pour une fois, j'ai réussi à écrire là-dessus. Je suis assez content pour une fois, parce que c'est pas facile. C'est vrai. Faut pas dire des trucs bateaux non plus. Enfin, faut mettre la forme. Et là, je suis assez content de. Comment j'ai écrit ce... De ce que t'as fait. T'as mis combien de temps à l'écrire, ce titre? Est-ce qu'on peut se faire une idée de combien de temps ça prend d'écrire un texte? Ça dépend. Là, c'est un grand couplet, en fait. Il n'y a pas de refrain. Ouais. Non, je sais pas. Il y a 3 titres que j'avais écrits en 5 jours. Pas en 5 jours, mais j'ai une période de 5 jours où tous les 2 jours, j'écrivais un texte. Ouais. J'étais pas mal inspiré pour l'album. Sinon, en général, c'est, je sais pas... 2 heures, 3 heures. Ah oui. Un couplet, c'est peut-être 1 heure. La vache, vous l'entraînez. 16 mesures, ouais. Quand même. Ça peut aller plus vite, ça peut... Est-ce que ça t'est déjà arrivé de transmettre ce savoir-faire de l'écriture avec des jeunes, par exemple? Oui, avec ces smokers, quand ils avaient le studio à Vanille, on avait donné des cours, des jeunes, je sais plus. Enfin, des cours d'écriture à un organisme de jeunes. Ah, c'est cool. T'avais aimé faire ça, la transmission? Ouais. C'était, ouais. Parce que, il en faut des profs, tu vois, comme toi, qui ont l'expérience maintenant de l'écriture, parce que c'est pas facile d'écrire des choses. T'écrivais quasiment tout leur texte, au final. Mais bon. Non, c'était, c'était enrichissant, c'était sympa. T'étais super bon en français à l'époque. Ouais, bah j'ai en orthographe, j'ai souffert quand j'étais en primaire, ils nous ont bien fait cravacher l'orthographe, donc je suis pas mauvais. Mais en français, ouais. Super bon en rédac et tout. Ouais, ouais j'aimais pas trop, mais ouais. Dissert, ouais. Si, on va au fur et à mesure, oui, j'aimais bien, mais... Est-ce que tes profs à l'époque ou tes amis de l'époque, ils savent que maintenant, tu fais des albums, que tu fais du rap? Ceux qui sont dans le sud. Ouais, par exemple. Ouais, enfin pas trop. Mais... Tu sais, c'est la bonne revanche. Enfin, ils l'ont su tard, en fait. Bah peut-être avec Facebook, on s'est retrouvé un peu sur Facebook. Bah ouais. Mais ouais, pas trop de, je sais pas. Pourtant, ils aimaient le rap avant, mais j'ai pas trop de retours là-dessus, à part un ou deux potes. Mais... Ouais. Sur les anciens potes. Si, par contre, ceux des Vosges, oui, ils me suivent assez bien. Et ta famille, est-ce qu'elle te soutient dans ouais. ce choix? Est-ce qu'elle écoute ce que tu fais? Ouais. Sauf mes grands-parents à l'époque, et... enfin mon grand-père justement, qui était pas trop fan. Qui disait le rap dans 2 ans, c'est mort, comme tout le monde, mais... Ça sera jamais mort, le rap. Tout le monde disait ça, et puis... Ah bon? Il est jamais mort, le rap. Bah non, carrément, impossible. Il aurait préféré que tu fasses sur mon champ. C'était une mode, mais comment, c'est pas une mode. Ah bah non, ça fait bien longtemps que ça existe. Oui, il y en a qui prennent ça pour une mode, dommage. Mais... Ouais. Ouais, c'est pas vraiment du rap, quoi. C'est plus du commercial, du coup. Mmh. Je vois de quoi tu parles. Il aurait peut-être préféré que tu fasses le chanteur lyrique, ton grand-père. Dans les maisons de retraite. Pourquoi pas. Allez, on s'écoute ce titre, Croisons les doigts, sorti tout droit de l'album qui porte le même nom. Hein. On fait ça et on se dit à tout de suite. Mais soyez sans crainte, ce n'est pas douloureux. Je vous le jure. Mais pourquoi? Pourquoi nous? Parce que vous êtes là et que vous êtes des hommes. Et que tant qu'il y aura des hommes, il n'y aura pas de paix. Ça sent la bebon. Ça sent la bebon. La bebon. On passe la crème pour mieux t'enfiler. Marre de ce manque de respect généralisé. Envie de me filer. Vous envoyez tous couler. En qui faire confiance aujourd'hui? Impossible, trop gentil ou docile, pris pour cible. Est-ce que c'est cette époque? Ne serait-ce pas l'humain? On file un mauvais coton dans ce putain de train-train. Même les familles se déchirent. On n'y comprend plus rien. Avant de demander de l'amour, donne-en à ton prochain. Mais ton affection, c'est pour ton animal de compagnie. Est-ce que la mentalité des dirigeants nous contamine? Pouvoir, profit, manipulation, mensonge. Si tout est basé sur le fric, dis-moi où va ce monde. Chacun sa bulle, sa gueule, rares les exceptions à la règle. Le truc, c'est qu'on a tous du bon qui coule dans nos veines. Mais l'homme est comme ça, il fait du mal et après il regrette. Pourquoi les remises en question sont souvent discrètes? Croisons les doigts, pourquoi ça croise le fer une troisième fois et voir la fin de l'espèce? Mise au pas par des mythomanes, des psychopathes. Demanda Emmanuel ou Nicolas. Mais bon, ça va, on est en France, y'a pire qu'ici. Va voir en Corée du Nord ou en Centrafrique. Ras-le-bol de ses frontières et de ce monde raciste. Ça se résume pas à croix nazie contre étoile de David. Chacun son clan et y'en a des tas malheureusement. Guerre civile, guerre d'état, aveuglement, génocide, contrôle de masse, terrorisme en tout genre, famine, complot, crash, tourisme en suspens. T'inquiète pas, pendant ce temps ça se remplit les fouilles. Va envahir par là-bas et piller les ressources, détruire pour reconstruire, pas mal comme tactique. N'oublie pas d'y poser une base militaire, c'est pratique. Ceux qui veulent le pouvoir, beaucoup de crapules, je te l'ai dit dans Holoman et c'est loin d'être caduque. Tu peux manifester, mais tu vas perdre la vue. Flashball dans le faciès, par des gueufs qui t'allument. Et malgré ça, je parie que le roi voudrait une statue. Et puis quoi encore, en plus c'est toi qui paye la facture. Alors qu'on voit qu'il y a des sentences, des dettes qui s'annulent. C'est toujours pour les mêmes, mais la plèbe n'est pas dupe. Clair qu'on va droit dans le mur, vu que ça pense à court terme. La terre et son futur, à croire que c'est pas leur problème. Écologie, économie ne font pas bon ménage. Une politique de lobby annonce un mauvais présage. J'ai bien peur de ce qu'on met dans leur crâne à l'ENA, comme s'ils étaient sponsorisés par Total ou Areva. Des centrales, des barrages qui cèdent, qui polluent, mec. Ils ne sont jamais condamnés, mais c'est des bombes humaines. Tout comme là où j'ai grandi, c'est quand même un truc de fou. Des usines avec de la fumée orange qui sort des fours. Résultat, plein de cancer, genre leucémie. Et l'État qui n'entend rien comme un vieux sénile. Va faire un coulot, les troisièmes doigts sont croisés. Combien se tue au boulot à cause de ces enfoirés? Au niveau national comme au niveau mondial, toujours le même problème, la même bande de chacals. Paraîtrait qu'au final, le bien l'emporte sur le mal. J'aimerais tellement y croire, mais je suis pas si sûr de ça. On veut la paix et l'amour, et pas qu'en pendentif. Alors espérons toujours, puisqu'on est encore en vie. Croisons les doigts de l'album portant le même titre de l'artiste Procès qui est avec moi aujourd'hui et que je remercie encore beaucoup pour, ouais, merci, pour sa venue. Je t'ai pas remercié encore. Mais... en tout cas, je suis super contente de voilà de rencontrer ton univers. Et même si tu nous en dis pas beaucoup, t'es très mystérieux quand même. Faut se lire. Écouter ma musique. Hein, pour... C'est vrai. Je dis tout dedans. C'est je vais pas me répéter. Hein. Allez, je me barre. On vous passe tout l'album et vous vous débrouillez avec ça. Allez, avant de continuer, je te balance encore une petite info. Auditeur, on reste dans les mots, justement, avec cette nouvelle info. Et il s'agit du prochain atelier de la langue de travers qui se déroulera à Épinal au Centre culturel le samedi 20 février de 14h à 17h. Du coup, ben, c'est ce samedi. Le nombre d'inscriptions, eh ben, est limité. Donc, voilà, vous êtes priés de vous inscrire à l'adresse mail suivante kgavoi2le@gmail.com. L'atelier sera une exploration en avant-première du thème proposé par le Printemps des Poètes, qui sera le désir. Voilà, ça t'inspire le désir, Procès ? Oui, forcément. Il y a des sujets avec lesquels on est plus à l'aise que d'autres. Mais j'ai pas écouté en fait ce que tu disais. Ah bah voilà, je me fais engueuler, tu sais, en off, parce que j'ai pas forcément écouté l'album en entier. Et là, c'est toi qui m'écoutes pas alors que je te parle directement. C'est beau. Je pars souvent dans mes pensées. D'accord. Alors du coup, tu me disais en off que c'est la première fois que tu utilises des samples de musique classique. Non, c'est pas la première fois, mais c'est la première fois qu'il y a que des samples de musique classique. Ok, d'accord. C'est la première fois que viennent, tout l'album. Ils viennent tous de vinyle aussi. C'est la première fois que je reprends que du vinyle. C'est trop bien ça. Mais comment tu fais pour reprendre un son d'un vinyle? Du coup, c'est quoi la marche à suivre? Tu samples, soit dans un PC directement, soit moi ça fait maintenant presque une dizaine d'années où je suis sur MPC, c'est la machine. D'accord. Les vieilles machines, le rap a commencé avec ça, les boîtes à rythme, les sampleurs. Et maintenant, je peux plus m'en passer, je fais que là-dessus maintenant. Mmh. Même si c'est plus long que sur à faire à la souris sur ordinateur, mais c'est au moins on n'a pas l'ordinateur qui tourne, on a juste notre machine. Ouais. On est dans le monde de MPC puis. Ok. C'est mieux. Donc on branche la platine, table de mixage, on relie au sampleur ou à l'ordinateur et puis on enregistre dedans. Ok. Après on découpe. on cale, faut trouver le tempo. Bon, la vache. Le bon BPM, et puis. Ça doit prendre du temps. Ouais. Ça doit prendre du temps. Mais t'as appris à faire ça, ou vraiment? C'est le sampling. D'accord. Non, j'ai appris, sur le tas, quoi. Ouais, c'est pas compliqué, hein, enfin, de sampler. Après, c'est plus compliqué de caler, de découper. Enfin, il y a plusieurs façons de travailler le sample, après. Ok. Mais oui, j'ai appris tout seul, comme écrire, comme après en écoutant le rap, hein, enfin, on a pas mal de références, donc on a de quoi s'instruire. Est-ce que t'as un artiste qui t'inspire en ce moment, tiens? Bah, il y a eu Live Dog, justement, ces dernières années, ce qui produit aussi, enfin, surtout pour l'énergie qu'il donne, il motive, quoi. J'aime bien Furax, pareil. En ce moment, ouais. Enfin, là, j'écoute plus trop, pas trop de musique en ce moment. Ah oui? Ouais. Bah, j'étais sur l'album aussi, donc ça m'a un peu... Oui, c'est sûr, ouais. Il y a un moment, faut faire une pause, un quoi. Saoulé. Mais avant, j'en écoute tout le temps, j'écoutais du rap toute la journée, maintenant, c'est vrai que c'est plus rare. Ok. Tu restes dans le silence, tu fais des retraites. Ouais, je repars sur un autre projet aussi, donc je suis plus dans la composition, donc. D'accord. Dans l'écoute. Ok. Alors forcément, on en parle un petit peu, même si c'est pas notre sujet préféré, c'est peu de le dire. Le confinement, la situation actuelle, hein, on en a un petit peu parlé ensemble tout au long de cette émission. Mais est-ce que ça a changé quelque chose pour toi, sur ta vision des choses, ton point de vue d'artiste, ta créativité? Bah non, au niveau musique, ça change rien. Par contre, oui, sur l'humeur, sur sur le moral, oui, ça joue. Mm. Voilà. On se pose des questions, combien de temps ça va durer, voilà. Je sais pas, c'est pas. Après, moi, je fais pas de concert, donc ça me touche pas trop. D'accord. Mais ceux qui font des concerts, tout ça, oui, ça doit être compliqué. Tu fais jamais de scène, toi? Bah, j'en ai fait 2-3, mais avec des potes, mais. C'est pas non, je suis pas à l'aise, je raconte ma vie, donc je suis pas. Je préfère rester, voilà, dans mon studio. D'accord. C'est là que je suis bien. En toute intimité, quoi. Et puis, Ok. Est-ce que la situation te permettra, eh bien, un jour de proposer cet album à ton public, eh ben, en faisant des scènes? Ben non, tu viens de me répondre. Non, c'est du mort. Coup, non. Mais du coup, où est-ce qu'on peut trouver cet album si on le veut en physique? Bah, sur procès.bandcamp.com. Ouais. Et puis il y a tous mes albums, il y a les 4 CD plus le titre collectif. Je viens témoigner. Plus je sais plus quoi. Ok. Il y a l'album de Blacklist aussi que j'ai mis dessus. Donc c'est là-dessus, en numérique ou en physique, et aussi sur toutes les plateformes. Je crois que vous pouvez télécharger ou écouter. Ouais. Légalement. C'est quoi tes projets du coup là? Sinon, il y a Mick aussi qui a décédé. D'accord. Fond du coup. Ok. Qui a décédé à moi. Ok. Donc on peut les retrouver directement là-bas aussi. Ouais. Ok. Tes projets du coup, t'es sur un autre album là en ce moment? Tu dis que t'es en train de composer. Ouais. Il va parler de quoi? Ce sera, c'est plutôt instrumental, je pense. Ça sera que instrumental. Ah ouais? À moins que j'écrive dessus, mais je sais pas, pour l'instant, c'est des instrus. D'accord. Bon, écoute, pourquoi pas. Est-ce qu'on peut tirer sur... Ça devrait être pour cette année, si tout va bien. Ouais. Ou l'année prochaine, au pire. Ok. Tu nous en reparleras? Quand? Quand tu seras quand il sortira? Oui. Ouais. Par contre, je sais pas si ça sera en CD, parce que je crois que je vais arrêter de faire des CD. Je vais faire que numérique. Ok. Pourquoi ça coûte trop cher? Ouais. Ça se vend pas. Enfin, moi, j'ai du mal à... Et c'est vrai. Les gens, ils sont plus au numérique maintenant. Ouais. Bah après, c'est tellement bien d'avoir un CD. Je peux faire les CD. Enfin, je peux le mettre dans la voiture. Bah ouais, carrément. La qualité, c'est meilleur que du MP3 ou d'aller sur YouTube où c'est compressé. C'est comme pour les bouquins, ça. Il y en a qui préfèrent lire en e-book. Moi, j'aime bien avoir le livre dans ma bibliothèque. Mmh. Voilà. Bon, c'est comme ça, c'est une histoire de génération que j'ai. C'est un objet, il y a l'objet en même temps. Bah oui, carrément. Puis il est beau en plus, c'est super cette pochette en négatif là. Mmh. Sympa. Est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux, je sais pas, un site internet, un truc Ouais, bah Facebook, Procès, SoundCloud, qu'est-ce qu'il y a? Pour Instagram, on se débrouille quoi. J'y vais jamais. Non, les réseaux, ça me gonfle un peu. Je comprends. Ok. Ça me gonfle de plus en plus. Bon, bah, débrouille-toi. Oui, allez, likez la page Procès. Ça fera un like en plus. Ça sert à rien, mais c'est pas grave. Bah, au moins, tu sais que, voilà, t'as peut-être pas besoin de ça, tu me diras, pour faire de la musique, qu'on s'intéresse à toi. Mmh. C'est vrai. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Bah, c'était super, en tout cas, merci beaucoup. Merci auditeurs de ta fidélité. Cette émission, eh bien, elle sera podcastée sur notre page et notre profil Facebook Radio Gamozo, hein, parce que nous, voilà, on publie des fois. Elle sera également rediffusée ce jeudi à midi. D'ailleurs, eh bien, tu peux nous écouter sur le 107, mais également sur les applis Radio Line ou Orange Radio. Voilà, si tu ne reçois pas le 107 jusqu'à chez toi, pas de panique. Je te souhaite, eh bien, avec la suite de nos programmes, une très bonne journée. Prends bien soin de toi et puis surtout, eh bien, prends bien soin des autres. On se retrouve très bientôt. Allez, kiss! Hey.